J'en ai pas l'air, j'suis déjà bondé, pas besoin de crème solaire. Spectaculaire, y'a du sang et du flow dans l'air. J'gagnerai pas toutes les batailles, mais sûrement la guerre. Pas de menaces, que des promesses. J'ai pas de mess, c'est pas de nest. Hey, videur, fais pas le balèze. Pour ceux qui sont pas à l'aise, qui se déhanchent dans le malaise, qui ralaisent pour manger ce que les ralaisent. Tous désireux des euros, même avec plein de zéro. Ça fera pas de nous des heureux. Chante avec une sale mine, j'ai fait mes premiers pas dans un champ de mine. J'cultive un chandri, rance-moi mes damines. Hey, hey, c'est mon holy. La vie de mon pseudonyme, je pourrais être belge quand je vais mal. C'est pas grave, ok pour la photo, je signe ton autographe. La vie d'artiste, elle est belle, mais elle est triste. Militant avec du fisc, mouton à la deuxième mi-temps, comme un intermittent en direct. Je tape au scandale, j'ai la dalle. D'un coup, ça du bled, car colle ses sandales. Pour les RMIS, dollars, foulège. Le son, la CMU sur carte vitale, je règle ton malaise. Inspiré, tout pour la carte de séjour expiré. Dès qu'il voit les gueules, s'arrête de respirer, désespéré. Toute solution, la range, évolution. Dans les zones, la révolution, de la routine. La misère à perpète, sans guillotine. On peut perdre la tête. Mais la mine hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, h